professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Néandertal, homme robuste au gros cerveau nécessitant beaucoup d'énergie, était-il un hypercarnivore? Les dernières découvertes scientifiques nuancent-elles l'approche de ce grand prédateur? Peut-être plus omnivore qu'on ne le pense selon la saison. Dans le Pléistocène, les mammifères sont 20% plus gros et les espèces humaines n'échappent pas à cette belle corpulence. Comment Néandertal s'est-il adapté à son environnement et au climat par son anatomie et sa morphologie? Jean-Jacques Hubnin, professeur invité au Collège de France, titulaire de la chaire paléanthropologie, poursuit son exploration de l'évolution de Néandertal et de ses différences avec Homo sapiens. Le chercheur qui dirige le département d'évolution de l'homme de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne, une approche interdisciplinaire entre généticiens, climatologues, paléontologues, biologistes, primatologues et linguistes, fait merveille, inscrit son cours au cœur de la révolution technologique et des découvertes les plus récentes qui corrigent bien des idées reçues et affinent le portrait et la connaissance de nos lointains ancêtres. Parmi les représentations à remettre en contexte, il règle tout de suite la question de l'ADN. Certes, celui des Néandertaliens est à 99,7% identique à celui des hommes actuels, mais notre ADN est aussi identique à celui d'une souris à 92%. Plus intéressante est la question de la différence des phénotypes avec l'homme actuel. Dans Science et Avenir, le paléanthropologue critiquait en 2008 le fantasme d'un âge d'or du paléolithique au cours duquel les hommes auraient été des pacifistes et des écologistes gérant leurs ressources. Ils n'ont été ni l'un ni l'autre, dit-il. La perception est la même vis-à-vis des derniers chasseurs-cueilleurs subsistants, alors que des travaux récents montrent qu'ils ne sont pas exempts ni de violence ni de hiérarchie. Les Néandertaliens, apparus presque en même temps que les ours des cavernes, les ont chassés, mais ont cohabité avec eux pendant 300 000 ans. Ces ours n'ont disparu qu'après la colonisation de l'Europe par Homo sapiens, même si cela a pris quelques milliers d'années. « Ce n'est pas le côté le plus sympathique de notre espèce », explique le chercheur, « mais dans les faits, l'expansion d'Homo sapiens a conduit à l'extinction de nombreux grands mammifères, y compris d'autres espèces humaines. Nous découvrirons aujourd'hui les grottes où les Néandertaliens ont amoncelé pour leur part une grande masse d'eau de renne, dévorant jusqu'au moindre morceau de moelle de cet animal. » Si Néandertal, comme Homo sapiens, est un grand prédateur, Jean-Jacques Hublin souligne cependant qu'il n'exploitait pas toutes les ressources de son territoire de façon aussi intensive. Pour des raisons physiologiques, il avait besoin d'un fort apport d'énergie qu'il se procurait en chassant les grands mammifères. Et comme tous les carnivores, les Néandertaliens n'étaient jamais très nombreux sur un territoire déterminé. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Biologie des Néandertaliens » le 17 novembre 2015. Maintenant, donc, nous avons le séquençage complet du génome néandertalien. Et nous savons que cet ADN néandertalien, à 99,7%, est identique à l'ADN d'un homme moderne. Alors c'est quelque chose qui c'est un chiffre qui frappe beaucoup les esprits parce que évidemment on se dit mais 99,7% c'est quasiment un homme moderne. Et j'allais dire les tenants de l'égalitarisme pléistocène se sont jetés sur ce chiffre pour dire les Néandertaliens sont des hommes modernes. Alors je voudrais tempérer un petit peu ce genre d'opinion pour vous dire que d'abord la ressemblance, la similitude entre une grande partie du génome n'est pas forcément synonyme de grande similitude en termes de phénotype. En fait, génotype et phénotype ne sont pas des choses qui se répondent si directement que ça. D'abord, évidemment, 99,7%, c'est beaucoup, mais si vous preniez un chimpanzé, vous trouveriez encore 98% d'ADN identique. Et pourtant, par bien des caractères, nous sommes loin d'un chimpanzé. D'ailleurs, certains mauvais esprits ont dit que si on regardait vraiment la façon dont le comptage de ces parties de génome identiques était fait, eh bien, en fait, peut-être qu'on pourrait dire qu'entre un chimpanzé femelle et une femme, il y a plus de proximité qu'entre un chimpanzé mâle et un homme. Donc, c'est pas vraiment une mesure extrêmement précise en termes de phénotype. Et alors, si on s'éloigne de l'homme et du chimpanzé, qu'on va regarder les souris, eh bien, vous avez encore 92% d'ADN commun avec les souris. Et on peut remonter comme ça jusqu'à la banane et vous trouveriez qu'il y a encore une grande partie d'ADN commun entre l'homme et la banane. Alors, l'explication de ce phénomène, c'est que, d'abord, les structures vivantes, elles sont toujours un petit peu les mêmes. Il y a des membranes, il y a des parois cellulaires, du cytoplasme, des organites. Et puis, quand il s'agit de mammifères, eh bien, tous les mammifères, ma foi, ils ont un peu les mêmes os, les mêmes poils, les mêmes yeux. Et tout ça, c'est codé dans le génome. D'autre part, dans le génome, on a, en fait, une toute petite partie du génome qui code pour des protéines, c'est ce qu'on appelle l'exome, et ça représente seulement 1,5% du génome. Il y a encore à peu près un bon quart du génome qui sert à réguler ces gènes. Puis après, tout le reste, il y a beaucoup de répétitions de certaines parties du génome, de duplications de génomes étrangers, si je peux dire, qui se sont insérés dans notre génome. Et ma foi, on ne sait pas toujours très bien à quoi ça sert, si même ça sert à quelque chose. En fait, ces distances génétiques nous donnent plus une idée des temps de divergence entre ces différents groupes. Et on le sait, la divergence entre néandertalien et moderne, c'est une divergence qui est de l'ordre du demi-million d'années. Donc si on regarde, dans le fond, ce qui se passe avec le chimpanzé, ce n'est pas très surprenant qu'on soit à 99,7%. Puis surtout, je voudrais insister sur un point. C'est que la distance génique, ça nous dit quand même pas grand-chose sur la distance en termes de phénotype. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir deux organismes qui ont une grande partie de leur génome qui est assez différent, mais qui en fait vont se ressembler beaucoup. Et puis à l'inverse, parce qu'il y a des tas de mutations qui ne résultent pas dans des changements phénotypiques très spectaculaires, et à l'inverse, vous pouvez avoir une mutation, une seule mutation, qui a des effets phénotypiques extrêmes, et ça c'est un exemple qu'on cite souvent, il y a non pas une mutation, mais plusieurs mutations qui provoquent la microcéphalie chez l'homme. Eh bien ces mutations qui provoquent la microcéphalie, c'est une seule paire de bases, une seule paire de bases sur 3,5 milliards qui est mutée et qui provoque cet effet phénotypique. Donc là, on n'est pas à 99,7% de proximité, on est à 99,9999999, etc., pourcent de proximité. Donc, le génome, c'est pas une espèce d'étalon qui permet de mesurer comme ça les distances en termes de phénotype ou de dire quelque chose sur par exemple, l'interfécondité ou pas entre des groupes. Tout peut se passer. Alors, pour en finir avec cette histoire de distance génique et de phénotype, il y a la petite parenthèse que je voulais faire. C'est pour répondre à une question qui m'a été posée un grand nombre de fois, justement à propos de ces 1,5% ou 2% qui séparent l'homme du chimpanzé. Quand mon collègue Svante Pebo est venu à Paris, On a beaucoup discuté de cette introgression de matériel génétique néandertalien dans le génome humain moderne, en disant, bien, on a pensé au début que c'était entre 1 et 4%, bon, maintenant c'est autour de 2%, l'estimation. Pour les Denisoviens, on est dans certaines populations mélanésiennes ou australiennes, on parle d'une introgression autour de 4%, peut-être même un peu plus parfois. Comment on peut avoir 4 ou 5% d'introgression de matériel génétique d'un être complètement différent de l'homme moderne comme un Denisovien ou un Néandertalien, et en même temps dire on est à 1,5% ou 2% d'un chimpanzé? Alors je pense qu'il faut bien clarifier ça. Quand on parle de différence entre l'homme et le chimpanzé ou l'homme et la souris, on parle de différences qui sont des différences fixes, c'est-à-dire ce sont des différences qu'on va toujours trouver dans cette partie du génome. Il y a une partie du génome du chimpanzé qui est différente du génome de l'homme, un point, c'est tout. D'accord ? Maintenant, l'histoire de l'introgression de X% d'ADN denisovien ou néandertalien dans le génome moderne, ça ne s'appuie pas sur l'identification d'un bout de génome qui serait complètement, j'allais dire, différent et exotique. En fait, c'est l'analyse de ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire le fait que, comment dire, une partie du génome varie d'un individu à l'autre. Vous vous souvenez, on a dit qu'à peu près, entre deux individus ici dans cette salle, il y avait un nucléotide tous les 1000 nucléotides qui était différent de façon un petit peu, j'allais dire, hasardeuse. Alors, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Ce polymorphisme, il se traduit pas forcément par des caractères. C'est simplement qu'il y a une lettre de temps en temps, une espèce de faute d'orthographe qui existe quelque part dans l'ADN. Alors, ce polymorphisme, il existe chez l'homme actuel. Et on a un polymorphisme identique chez les Néandertaliens ou chez les Denisoviens sur une grande partie du génome. Simplement, les proportions, la fréquence relative de différents allèles, de différentes variétés dans ces substitutions n'est pas la même chez les Néandertaliens, chez les Denisoviens et chez les hommes modernes. Et en fait, c'est une modélisation mathématique qui permet de montrer qu'on a un peu plus d'ADN néandertalien, d'origine néandertalien dans notre génome que n'en ont les populations africaines, par exemple. Mais ça ne correspond pas à des espèces de différences fixes qu'on trouverait toujours entre le génome néandertalien et le génome moderne. J'espère que c'est clair. Alors, venons-en maintenant au phénotype. Donc, ce génome, il s'exprime dans un phénotype, mais il faut bien comprendre qu'il ne s'exprime pas d'une façon simple. Et donc, il y a énormément de questions, de travaux qui s'intéressent à la question, dans le fond, de savoir pourquoi le phénotype des Néandertaliens est différent de celui d'un homme actuel. Sur cette reconstitution d'un squelette néandertalien complet, on voit au premier coup d'œil que, bon, d'abord, le crâne est très différent, on en a beaucoup parlé, la forme de la boîte crânienne, la projection de la partie centrale de la face, une morphologie de la mandibule très particulière, ses grandes orbites, cette ouverture nasale très très grande, donc un crâne très différent. Mais on a aussi des différences dans le squelette postcrânien, dans la silhouette et les proportions. Et pour dire les choses simplement, les Néandertaliens sont extrêmement costauds. Voilà. Donc ils sont pas très grands, mais ils ont un format corporel extrêmement puissant, avec d'une façon générale un tronc qui est plus large que ce qu'on trouve chez la plupart des hommes actuels. Et ce tronc très large, avec une cage thoracique très profonde aussi, entraîne tout un tas de détails anatomiques qui sont différents. Les clavicules chez les Néandertaliens sont assez longue comparé à ce qu'on trouve chez les hommes modernes. Le bassin, lui aussi, a des détails anatomiques qui sont liés à cet élargissement. Par exemple, le pubis, un rameau supérieur qui est allongé. Les Néandertaliens mâles ont un pelvis qui a l'air un petit peu féminin de notre point de vue moderne à cause de cet élargissement. Et puis, quand on regarde les os individuellement, on se rend compte que ces os ont une très grande robustesse, pratiquement tout ce qu'on peut mesurer en largeur et en épaisseur chez un néandertalien, en particulier dans les articulations, va donner des mesures supérieures à ce qu'on trouve chez des populations modernes. Je ne veux pas rentrer dans les détails anatomiques, mais il y a deux ou trois points que je voudrais quand même soulever. Des points qui sont liés au développement, à la jeunesse de ces caractères. Et puis, je voudrais dire quelques mots aussi sur le fait que, en fait, la mise en place de ces caractères, c'est quelque chose qui peut se faire avec, justement, une relative économie de moyens du point de vue génétique. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'imaginer des différences très importantes dans le génome. Alors, parlons un peu du développement d'abord. On a la chance de connaître des fossiles de néandertaliens immatures, des enfants et même des nouveau-nés. On connaît deux nouveau-nés qui sont relativement bien conservés. Il s'agit d'un squelette qui a été découvert dans le Nord-Caucase, un gisement qui s'appelle Mesmaïskaïa. Et puis, plus récemment, on a redécouvert dans les tiroirs du Musée national de préhistoire au Zézi un squelette d'un bébé néandertalien qui avait été découvert au début du siècle et qui avait été oublié dans une boîte. Et donc, on a deux squelettes relativement complets et on peut les étudier. Alors, commençons par le crâne. Ce qui est extrêmement frappant quand on regarde une reconstitution d'un de ces bébés, il s'agit ici du crâne de Mesmaïskaïa qui a été reconstitué, c'est que on trouve déjà à la naissance une morphologie faciale qui annonce dans le fond la morphologie faciale néandertalienne des adultes, avec un allongement de la face, cette morphologie assez particulière des maxillaires qui sont dans une position oblique. Donc c'est une toute petite phase de petit néandertalien, mais c'est déjà une phase de néandertalien. Et donc il est assez difficile de penser que c'est l'action de l'environnement, la nutrition, la mastication, quelque chose comme ça, qui est à l'origine des différences qu'on observe entre néandertaliens et hommes modernes. Et quand on fait une analyse, ce qu'on appelle une analyse morphométrique, c'est-à-dire quand on quantifie sur le plan mathématique les différences morphologiques qu'on a entre ces deux bébés, et que l'on place ça dans un espace qui combine la forme et la taille avec d'autres fossiles de néandertaliens. Et puis ici, tous ces points gris, ce sont des hommes modernes de différents âges et de différentes populations. Eh bien, ce qu'on voit dans cette analyse, c'est que dans le fond, cette ligne rouge-là représente la trajectoire de développement d'un petit néandertalien jusqu'à un néandertalien adulte. Et c'est une trajectoire différente de celle des hommes modernes. Donc, ils sont différents au départ et ils ont une trajectoire de développement différente avec une divergence de plus en plus grande sur le plan de la forme. Cette première composante principale, elle traduit essentiellement la taille. Et puis ici, les autres deux sont essentiellement concernés par la forme. Alors, revenons à ces squelettes. Je vous ai dit tout à l'heure que le squelette néandertalien est extrêmement robuste, grande épaisseur des parois corticales des olons, grande largeur des épiphyses, ce bassin qui est très large, ce tronc qui est très large. Alors, on sait que chez l'homme moderne, l'activité physique, le comportement, la nutrition ont une influence sur tous ces facteurs-là. Si vous avez une activité physique très intense, vous pouvez en quelque sorte modifier votre squelette. Et on sait par exemple que les gens qui sont bûcherons ou joueurs de tennis, ils ont un humérus ou les deux parfois, qui ont une robustesse considérable par rapport à ce qu'on trouverait soit de l'autre côté, soit chez un autre individu. Et donc on a longtemps pensé qu'une bonne partie des caractères néandertaliens pouvait s'expliquer non pas par ces 0,3% de différence dans le génome, mais plutôt par leur style de vie. Alors vous allez voir que leur style de vie est assez intense, si je peux dire. Mais quand même, quand on regarde ces nouveau-nés, on peut aller mesurer tous ces olons du squelette et les comparer à des olons de nouveau-nés actuels. Et quand on fait ça, eh bien, ça, c'est une étude que nous avons en cours avec Tim Weaver, qui est un collègue qui a travaillé à Leipzig avec nous et qui, maintenant, est à l'Université de Californie à Davis. Eh bien, quand on regarde, par exemple, la taille de l'ilium, c'est-à-dire un des os principaux du bassin chez ces petits nouveau-nés néandertaliens, et qu'on compare ça à la taille des membres, ici le fémur, eh bien, vous voyez que ce petit néandertalien du Moustier ou de Mesmaskaya, eh bien, déjà sort de la variation commune moderne et préfigure dans le fond ce qu'on va avoir chez les néandertaliens. Et ce genre de différence, on l'observe aussi bien sûr l'épaisseur des diaphyses, sur la largeur des parties articulaires, etc. Donc tout ça, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que quand même une bonne partie de ces caractères sont déjà là à la naissance et qui ne sont pas liés à l'intensité de l'activité physique au cours de la vie. Alors maintenant, gros, ce que je suis en train de vous dire là, on pourrait continuer en parlant de caractère dentaire, par exemple, c'est qu'il y a quand même une bonne partie des différences qu'on observe chez l'adulte qui sont liées à quelque chose qui est, j'allais dire, intrinsèque, probablement enfoui quelque part dans le génome des néandertaliens et qui n'est pas lié simplement à leur environnement. Alors maintenant, comment ces caractères se développent ? Eh bien, pas forcément parce qu'il y a quelque part dans le génome une information qui dit, voilà, il faut que le labyrinthe soit comme ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que pendant le développement, eh bien, on a les différents organes qui connaissent une croissance. Cette croissance, elle est programmée, en tout cas dans la durée, dans l'intensité de la production des tissus. Et il y a un phénomène qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire que tous ces organes, ils grandissent dans le même organisme et donc ils interagissent les uns sur les autres. D'abord, ils interagissent tout bêtement, mécaniquement. Hein. Quand un organe grossit à côté d'un autre, eh bien, forcément, ces deux organes ne peuvent pas occuper le même espace. Donc l'espace que l'un occupe, c'est au détriment de l'autre. Et s'il y a des changements de forme d'un organe, ça va influencer sur les organes adjacents. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Sur cette image, vous voyez un crâne d'homme moderne et un crâne de néandertalien, et vous voyez que tous les deux ont un très gros cerveau, mais on a déjà parlé, ce gros cerveau, il s'est développé, il a évolué indépendamment depuis au moins 400 000 ans. Donc il s'est mis en place de façon indépendante chez les hommes modernes et chez les néandertaliens, et il a un certain nombre de différences, en particulier de différences anatomique, enfin la différence dans la forme, et si on allait dans le détail des lobes temporaux ou occipitaux ici, on verrait qu'il y a des différences quand même assez visibles entre ces deux endocrânes. Eh bien, c'est typiquement le genre de différence qui va avoir une influence sur les organes adjacents. Donc il y a ce phénomène d'intégration, mais il y a d'autres phénomènes qui sont liés à cette interaction entre les différentes parties de l'organisme. Il y a un phénomène qu'on commence à comprendre à propos de la formation dentaire, et c'est un phénomène d'inhibition en cascade. De quoi il s'agit ? Eh bien, simplement, lorsque les germes dentaires se forment, ils se forment de façon séquentielle, et on a découvert il y a quelques années sur des rongeurs d'abord, mais maintenant on s'intéresse aux primates et à l'homme, que la taille d'un germe dentaire avait une influence sur la taille du germe dentaire suivant dans la séquence. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la formation de cette couronne dentaire, il y a un certain nombre de molécules qui sont produites par le germe dentaire en formation et qui vont avoir un effet de stimulation ou au contraire d'inhibition de ce qui se passe derrière dans la cascade de formation dentaire. Donc en gros, l'idée, c'est que on pourrait prévoir, à partir de la taille d'une dent, la taille des dents qui viennent derrière dans la série dentaire. Et là encore, on n'a pas besoin d'une ingénierie génétique très compliquée. Il suffit simplement que le robinet reste ouvert plus ou moins longtemps pour la formation d'une couronne dentaire, et automatiquement, ça va entraîner une cascade de caractères sur les dents suivantes. Donc vous voyez que par des phénomènes un petit peu mécaniques, on peut avoir des variations du phénotype, encore une fois, sans avoir l'intervention de changements énormes dans le génome. Et puis, dernier exemple de ces effets un peu subtils du génotype sur le phénotype que je voulais vous donner, c'est les proportions des phalanges dans le pouce et dans le gros orteil. Alors, commençons par le pouce. Ça, c'est un pouce d'homme moderne et ça, c'est un pouce de néandertalien. Alors, si vous avez l'œil, vous verrez que la proportion de la phalange terminale et de la phalange qui vient derrière, eh bien, est différente chez l'homme moderne et chez le néandertalien. Nous avons une phalange terminale du pouce qui est relativement courte par rapport à celle qui précède. Chez les néandertaliens, ces deux phalanges sont de longueur beaucoup plus égale. Alors, je vous montre ça parce que, bon, d'abord, il y a toute une littérature sur pourquoi les néandertaliens ont une phalange qui a cette forme-là, etc. Enfin, on fait l'économie de tout ça, hein. Mais c'est intéressant parce que on a le même caractère au pied et à la main. Alors, ça peut pas être un hasard, quand même. Et alors, pourquoi on a ce même caractère? Eh bien, parce qu'on sait qu'il y a des gènes dans notre ADN qui, dans le fond, vont gouverner ces proportions de ces phalanges dans les membres en général. Et donc, il est possible que, sur le plan adaptatif, sur le plan sélectif, ce caractère, il ait été retenu comme utile à la main, mais comme ce sont les mêmes gènes qui vont... le même système de gènes qui gouverne ces proportions dans les pieds et dans les mains, ben on va avoir le même caractère qui va apparaître dans un autre membre. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est à cause des pieds ou à cause des mains, hein. Mais le résultat, c'est que les pieds et les mains ont cette différence. Enfin, voilà, je voulais juste vous montrer que ce n'est pas facile de comprendre le phénotype, ce n'est pas facile de lier le phénotype au génome, et surtout, malgré la très faible différence qu'on a entre l'ADN néandertalien et l'ADN moderne, on a quand même des différences importantes dans le phénotype, en partie parce que, dans le fond, ces différences s'installent de façon un petit peu mécanique lors du développement. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, biologie des Néandertaliens. Alors venons-en maintenant à mon deuxième sujet de la soirée, qui est métabolisme et nutrition. Je vous ai trouvé cette image que j'aime beaucoup par un artiste américain, qui s'appelle John Gersh, un espèce de néandertalien bodybuilder. Et elle est spectaculaire, mais elle n'est pas complètement fantaisiste, hein. En fait, elle est assez exacte du point de vue des mensurations. Alors, là où je critiquerais, c'est qu'il le montre très, très... mince dans le fond, enfin en tout cas dépourvu de graisse, hein. Et vous avez là des estimations de masse corporelle qui ont été faites. Alors en mesurant différentes parties du squelette, on peut faire ça à partir de la taille du bassin, du diamètre qui sépare les deux têtes de fémur. On peut regarder aussi le diamètre de la tête du fémur, qui est une très bonne indication de la masse corporelle en général. Et donc on peut, pour les néandertaliens européens, produire des estimations pour chaque individu. Et vous voyez que quand même, ces néandertaliens, ils ont une masse musculaire très très importante, avec des valeurs chez les mâles qui vont jusqu'à 85 kilos. Je crois que c'est l'homme de la Ferraci 1. Et puis quand même des dames néandertaliennes qui sont quand même assez aussi costauds, hein. Là, on parle essentiellement de masse maigre, hein. Donc, rajouter un petit peu d'embonpoint, vous voyez qu'on va arriver à des chiffres quand même importants, des mâles qui peuvent aller jusqu'à, je sais pas, 100 kilos plus, des femelles aussi, bon, alors, enceintes, un peu grasses, etc., avec des poids considérables. Alors, ce caractère de grande masse corporelle, en fait, c'est pas quelque chose de complètement incongru, parce que c'est quelque chose qu'on trouve chez presque tous les mammifères pléistocènes. Presque tous les mammifères pléistocènes sont à peu près 20% plus gros que les mammifères, que les équivalents modernes, hein. Donc il y a eu une grosse réduction de taille à la fin du pléistocène. Donc on pourrait dire les néandertaliens, ils sont dans le mainstream des autres mammifères. Mais enfin, cette masse corporelle pose un certain nombre de questions, et en particulier des questions sur le plan énergétique. On s'est donné beaucoup de mal pour essayer d'évaluer ce que pouvait être ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour faire fonctionner un néandertalien quand il fait rien, quand il est là, assis, à écouter quelqu'un parler, par exemple. Eh bien, ce métabolisme basal, c'est donc ce qu'il faut pour faire fonctionner l'organisme. Évidemment, il faut lui rajouter de l'énergie si on veut que notre néandertalien fonctionne, qu'il bouge, qu'il aille attraper des bisons. Hein. Et pour dire les choses de façon très simple, les néandertaliens ont des énormes besoins en énergie pour maintenir leur niveau d'activité, en particulier quand on tient compte de l'environnement et de la température moyenne à différentes époques dans différents endroits. Vous avez ici une colonne qui vous donne différentes évaluations pour le métabolisme basal par différents auteurs. Alors donc ça dépend de la masse corporelle, de la surface du corps, de la température, etc. Donc pour des femmes et pour des hommes. Alors, dans la colonne des hommes, vous voyez des chiffres avec un besoin en énergie quotidien qui est, disons, autour de 4500, 5000 kilocalories. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle beaucoup, 5000 kilocalories, mais je pense que si vous vous intéressez à la presse féminine, vous verrez qu'on recommande vivement aux dames de ne pas consommer plus que, disons, 2000 kilocalories par jour, à moins qu'elles fassent du sport, et pour un homme, quelque chose de l'ordre de 2500 kilocalories. Donc, on est en train de parler du double, en gros. Hein. Un coureur du Tour de France, qui fait des étapes moyennes d'à peu près 180 kilomètres par jour, a besoin de entre 5000 et 7000 kilocalories pour faire ces étapes du Tour de France. Donc, nos néandertaliens, ils sont pas loin de faire le Tour de France tous les jours. Hein, tous les jours. Donc, c'est une énorme dépense d'énergie. Ce sont des dépenses en énergie qu'on va retrouver, enfin, pas à un niveau aussi élevé, mais qu'on va retrouver chez des hommes modernes qui vivent en milieu arctique. Et donc, voilà, un chasseur inuit qui vit sur la banquise, eh bien, il va lui falloir, quand il chasse, quand il est en pleine activité sur la banquise, avec une température moyenne qui est en dessous de 0 degré, il va lui falloir 4500 kilocalories par jour. Donc, il faut bien quand même garder en tête que les Néandertaliens n'ont jamais vécu au-delà du cercle polaire arctique, et probablement pas dans des environnements extrêmement froids, en fait. Hein. Mais vous voyez qu'il y a cette énorme consommation d'énergie. Et ça pose beaucoup de questions sur leur adaptation, leur nutrition et aussi, vous allez voir, leur croissance. Pour ceux qui ont assisté à mon cours l'année dernière, vous savez qu'on peut se faire une idée du régime alimentaire en étudiant les isotopes stables du carbone et de l'azote. Donc, on a un isotope du carbone qui est le carbone 13, qui varie d'une espèce à l'autre dans les tissus en fonction de la façon dont cette espèce s'enracine dans une chaîne trophique qui dépend d'un type de végétaux ou d'un autre. Et puis ensuite, le long de cette chaîne trophique, eh bien, il va y avoir une élévation en isotope 15 de l'azote qui va dépendre du niveau auquel se place notre espèce. Alors, quand on essaie de placer des hommes sur ce genre de diagramme, eh bien, avec les Néandertaliens, invariablement, on trouve des valeurs isotopiques, en particulier pour l'azote, qui les placent au-dessus des carnivores comme la hyène, le loup, la panthère, ou ce qu'on peut trouver dans des gisements pléistocènes. Alors ici, c'est un exemple que j'ai tiré d'un article que nous avons publié il y a quelques années sur un petit bout de néandertalien trouvé au fond de la mer du Nord, à une époque où il n'y avait pas de mer du Nord, évidemment, hein, ce néandertalien ne vivait pas sous l'eau. Et vous voyez qu'il se trouve, quand on le compare à des herbivores, des omnivores, à des carnivores terrestres, il se trouve bien au-dessus. Et donc, on a tiré de ça l'idée que les Néandertaliens étaient des espèces de super prédateurs, de super carnivores. Et de fait, on peut aller regarder, dans le fond, ce que nous dit l'archéologie et ce que nous dit aussi l'étude des chasseurs-cueilleurs modernes sur la façon dont on peut exploiter l'environnement dans des milieux, sinon très froids, mais du moins frais. Donc voilà un tableau que j'ai tiré d'un travail de Steve Churchill, où il vous donne la valeur énergétique d'un caribou, d'un renne de 80 kilos, en bonne santé, gras, à la bonne saison. Enfin, j'ajoute tout ça parce que il n'y a pas que des caribous gras, il n'y a pas que des bonnes saisons. Hein. Et donc, vous voyez qu'on arrive à un chiffre total une fois qu'on a vraiment tout mangé, c'est-à-dire pas seulement les muscles, hein, mais les organes, la graisse, ce qui est à l'intérieur des os, la moelle, tout, on ne laisse que des os. Eh bien, on peut en tirer 125 000 kilocalories. Donc, si vous rapportez ça au chiffre que je vous ai donné sur la consommation énergétique par un néandertalien adulte, eh bien, on parle de un renne tous les jours pour un groupe de néandertaliens, disons de 25 adultes ou de peut-être une trentaine d'individus s'il y a des enfants ou des femmes. Enfin, s'il y a des femmes enceintes, elles vont avoir besoin de plus de nourriture. Puis, on peut pas tout vraiment manger aussi facilement que ça. Donc, ça vous donne une idée des besoins en termes d'approvisionnement de ce prédateur dans l'environnement. Et ça explique qu'on trouve dans des gisements moustériens, ici il s'agit d'un gisement de Charente-Maritime qui a été fouillé il y a quelques années, vous voyez, ces gisements sont des amoncellements d'os de rennes dans ce cas-là, mais ça existe avec d'autres mammifères, hein, des chevaux, des bisons, d'autres bêtes, et ces amoncellements d'os sont brisés entièrement, c'est-à-dire qu'on a extrait absolument toutes les calories possibles de ces carcasses de rennes. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur ma comparaison avec le Tour de France, c'est assez facile à comprendre qu'on soit désespéré à vouloir absolument manger chaque goutte de moelle de chaque os. Alors, cette reconstitution de l'alimentation néandertalienne a donné quand même lieu à un certain nombre de critiques. Je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais d'abord sur le plan des résultats isotopiques. Ces isotopes du carbone et de l'azote, on les extrait du collagène des os. Et donc, il nous faut du collagène. Et ce collagène, il ne se conserve pas toujours dans les os. Et il se conserve beaucoup plus facilement quand on est dans des gisements en relativement haute latitude en Europe que dans des gisements méridionaux. Donc, il y a un biais. Parce que, en fait, on a tendance à ne mesurer ce paramètre que dans des régions qui sont des régions qui étaient probablement les régions, en fait, plus froides. Alors, encore une fois, c'est pas le Groenland, mais plus froides que des régions méridionales. D'autre part, les données isotopiques, en particulier sur l'azote, nous informent sur la source des protéines, et uniquement des protéines. Et donc nous disent si ces protéines sont des protéines animales et en quelle quantité. Pour des raisons, j'allais dire, de la façon dont varient ces données isotopiques en fonction de la quantité de viande qu'on absorbe, il y a le fait que, disons, en gros, dès qu'on se met à manger de la viande, on va être boosté, en quelque sorte, en isotope 15 de l'azote. Et vous voyez que même avec une alimentation qui est à moitié de plantes et à moitié de viande, on va se retrouver très vite assez près des valeurs des espèces qui mangent 100% de viande. Hein, donc il y a une sous-estimation des sources de protéines qui ne sont pas animales, et c'est lié aussi au fait qu'il y a très peu de protéines, qu'il y a beaucoup plus de protéines dans les tissus animaux que dans les tissus végétaux. Et puis alors, on s'est aussi rendu compte que, manger de la viande, c'est bien, mais si vous mangez que des protéines animales, que de la viande a une certaine toxicité, vous êtes obligé d'absorber des hydrates de carbone avec pour digérer ces protéines. Donc il y a des problèmes de toxicité. Et on a commencé à se poser la question de ce que les Néandertaliens pouvaient manger d'autre à côté de la viande. Alors il y a plusieurs études qui ont confirmé donc cette alimentation beaucoup plus variée. D'abord des études sur l'usure des surfaces d'émail dentaire, et en étudiant de façon, quantifiée les variations de ces microstries et en les comparant aux microstries qu'on peut trouver chez des populations actuelles dont on connaît le régime alimentaire, et on s'est rendu compte qu'en fait, les Néandertaliens, ils avaient des régimes qui étaient quand même plus variés que être seulement des sortes de hypercarnivores, et que ces variations, elles avaient l'air d'être surtout liées, eh bien, au paysage, et donc à la fois aux périodes géologiques, plus ou moins tempérées, et puis aussi à la géographie. Donc, en gros, quand on descendait vers le bassin méditerranéen ou vers le Proche-Orient, on trouvait quelque chose d'assez différent. Et puis, plus récemment, on a commencé à s'intéresser au tartre dentaire. Et dans ce tartre dentaire, on peut trouver des phytolithes de plantes, on peut trouver des petits grains d'amidon qui viennent de plantes. Et donc tout ça, ça nous suggère quand même que les Néandertaliens, au moins quand la saison s'y prêtait, devaient adjoindre à leur nourriture carnée de la nourriture végétale. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a du mal à quantifier cette proportion de nourriture végétale, mais on sait qu'elle est là. Alors ces histoires d'énergie, de consommation d'énergie, d'avoir besoin de manger beaucoup, ça a de nombreuses implications sur le plan de la croissance et du développement. D'abord, on sait que dans les populations qui vivent dans les hautes latitudes, dans des climats froids, les nouveau-nés ont tendance à être d'un poids plus élevé que chez les populations qui vivent à des plus basses latitudes. Ça va aussi avec le fait que les mères elles-mêmes ont tendance à avoir un poids plus élevé. Plus on va vers le nord et plus les choses s'alourdissent, si je peux dire. Et donc, si on a des gros bébés, eh bien, ils demandent plus d'énergie. Vous vous souvenez, nos femmes néandertaliennes, tout à l'heure, là, il leur fallait quelque chose comme 3500, 4000, même un peu plus, kilocalories par jour. Une femme enceinte, il lui faut environ 175 kilocalories de plus pendant une partie de la gestation. Et quand elle va se mettre à allaiter son nouveau-né, alors là, ça va monter à 500 kilocalories. Et donc, vous voyez que là encore, ça pose vraiment des questions sur le besoin de ces populations d'acquérir une grande quantité de calories, d'extraire une grande quantité de calories dans l'environnement. Et ça nous dit aussi des choses aussi probablement sur les risques encourus par ces populations au cours des cycles saisonniers. Presque toutes les populations de chasseurs-cueilleurs, surtout celles qui vivent dans des environnements plutôt froids, eh bien, connaissent des périodes de disette. En gros, quand vous chassez des mammifères pour vous nourrir, des grands mammifères, eh bien, la fin de l'hiver et le printemps, le début du printemps, c'est une période difficile parce que c'est une période où les animaux ont très peu de graisse et donc vous avez beaucoup de mal, même si vous attrapez votre reine, là, pour vos 25 néandertaliens, à avoir vos 125 000 kilocalories. Et probablement, il ne faisait pas bon être enceinte ou en train d'allaiter à ce moment-là de l'année. Et donc, c'est probablement une cause de mortalité infantile ou de gestations qui ne sont pas menées à terme. Alors, de fait, quand on regarde la taille du cerveau chez des petits néandertaliens de différents âges, eh bien, on voit que, alors, on est dans la variation de l'homme moderne, mais on est plutôt au-dessus de cette variation. Donc, on a des enfants qui ont un cerveau qui est assez grand et qui grandit assez vite, qui se tient plutôt dans le haut des moyennes, dans le haut des valeurs que l'on trouve chez l'homme actuel par rapport en proportion du poids du cerveau à la naissance. Donc, un cerveau qui grandit aussi assez vite. Et donc, là encore, ça pose des questions sur les sources d'énergie pour cette croissance. On s'est posé beaucoup de questions sur la parturition chez les Néandertaliens, parce que c'est bien beau d'avoir un gros cerveau, c'est bien beau d'avoir des bébés qui ont un beau cerveau aussi, il faut les mettre au monde. Et vous savez, enfin, je pense qu'il y a une bonne partie du public qui sait que mettre au monde des bébés, c'est pas évident. Alors, qu'en est-il des Néandertaliens? Eh bien, on a essayé de reconstituer des bassins de femmes néandertaliennes. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques années de ça, avec mon collègue Tim Weaver, on a travaillé sur la reconstitution d'un bassin relativement complet de femmes néandertaliennes, qui est le bassin de Taboun. C'est un gisement qui est en Israël. Donc on a réussi à faire une reconstitution qu'on pense relativement exacte. Puis on s'est intéressé à un bassin d'hommes qui vient aussi d'Israël, qui est relativement complet. Alors vous me direz, les hommes ne mettent pas au monde des bébés. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser les équations mathématiques qui permettent de prédire la taille et la forme d'un bassin féminin à partir des paramètres d'un bassin masculin chez l'homme moderne, et puis essayer d'appliquer ces mêmes transformations mathématiques, géométriques, à un bassin masculin néandertalien pour fabriquer son équivalent femelle. Ça valait le coup d'essayer. Le fait est que quand on fait cette transformation, on tombe sur une forme qui est très proche de celle du bassin féminin de Taboun. Donc, on pense que c'est probablement valide. Donc, du coup, on a, si je peux dire, deux bassins féminins, un vrai et puis un qui est dérivé de la forme masculine. Et quand on étudie la morphologie de ce bassin, on se rend compte qu'elle est quand même relativement différente de ce qu'on trouve chez l'homme moderne. Et en particulier, la forme du détroit supérieur et inférieur au moment de la mise au monde, eh bien, est différente, c'est-à-dire que au lieu d'avoir deux ellipses qui sont orientées à 90 degrés l'une de l'autre, comme chez l'homme moderne, ce qui explique cette nécessité de rotation, eh bien on a deux ellipses qui sont toutes les deux orientées transversalement, et on pense que chez les Néandertaliens, il n'y avait probablement pas de rotation, et donc c'était une naissance qui était difficile certainement, parce qu'il y a un ajustement très fort de la taille du bassin et de la taille de la boîte crânienne du nouveau-né, mais avec probablement une petite complication en moins, si je peux dire, par rapport aux hommes modernes, c'est-à-dire pas de rotation. Alors, avec la croissance de ce bébé néandertalien, on a beaucoup de mal, dans le fond, à calibrer la vitesse de développement somatique de ces petits néandertaliens. Pourquoi ? Eh bien, parce que longtemps, on a utilisé la maturation dentaire pour estimer l'âge de fossiles d'enfants néandertaliens. Donc, en gros, on disait, voilà, ils ont une première molaire en cours d'éruption ou presque venue à éruption, donc ils ont 6 ans comme un enfant moderne. Évidemment, c'est complètement circulaire parce que on n'est pas du tout sûr que ça se passait au même âge. Alors, ça a beaucoup changé quand on a commencé à étudier les microstructures dentaires, c'est-à-dire une espèce de couche dans l'émail ou dans la dentine, qu'on peut compter. On sait qu'il y a des structures d'accrétion qui se produisent de façon journalière dans le développement dentaire. Et ça a permis vraiment un comptage précis, une quantification précise. Et quand on a utilisé ces méthodes-là, eh bien, on s'est rendu compte que des néandertaliens qui avaient des stades d'éruption d'un certain âge par rapport à l'homme moderne, eh bien, en fait, les microstructures dentaires nous donnaient des âges calendaires complètement différents. Donc voilà un petit néandertalien qui était censé avoir 11 ans et qui, en fait, quand on compte ses structures, microstructures dentaires, eh bien, on se rend compte qu'il est mort quand il avait 8 ans. Et en voilà un autre dont on a cru pendant longtemps qu'il avait 15 ans, 15 ans et demi, et dont on pense maintenant qu'il avait 12 ans à la mort. Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une réponse définitive à cette question-là, parce que, dans le fond, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit on dit bah les Néandertaliens grandissaient plus vite que nous, ou alors c'est que la denture, en général, se développe plus rapidement chez les Néandertaliens. C'est une possibilité. C'est peut-être les deux à la fois. Alors, pour en finir avec cette histoire de croissance, on a quelques individus, Teshiktash, l'adolescent du moustier, vous savez, cet enfant, cet adolescent dont on croyait qu'il avait 15 ans et demi et qui a finalement à 12 ans, probablement. Et donc, quand on regarde ces Néandertaliens plus âgés, l'impression qu'on a quand même, c'est que ils ont, en particulier cet enfant, cet adolescent du moustier, à 12 ans, il a une troisième molaire qui est en formation, en cours d'éruption. On sait que chez pratiquement tous les mammifères, quand cette troisième molaire est sortie, eh bien, c'est la fin du développement squelettique. Et on rentre dans l'âge de reproduction. Donc ça suggère que peut-être on a quand même chez les Néandertaliens une adolescence, en tout cas une entrée dans l'âge adulte qui est plus précoce que celle qu'on a chez les hommes actuels. Mais vous voyez que tout ça, encore une fois, ça pose beaucoup de questions sur la capacité, et elle devait être là, hein, de ces formes à extraire l'énergie qu'il leur fallait de l'environnement. Alors pour finir, je voudrais juste vous dire un mot encore sur l'environnement. On a beaucoup discuté de l'adaptation climatique des Néandertaliens, alors non pas en termes de comment ils se procurent l'énergie et comment ils investissent dans leur développement, mais tout bêtement en termes d'anatomie, de morphologie. Il y a deux lois, qu'on appelle la loi d'Allen et la loi de Bergman, qui sont des gens qui se sont intéressés aux variations morphologiques des mammifères en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Et en gros, de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit tout simplement du fait qu'en fonction de la taille du corps et des variations de cette taille, on a un rapport entre la surface et le volume qui varie de façon non linéaire. De façon très très simple, si vous doublez l'arête de ce cube, vous allez avoir une surface qui va pas doubler, elle va augmenter au carré de cette valeur, et puis le volume, lui, va augmenter au cube. Et donc, en gros, vous réduisez les échanges thermiques avec l'extérieur en devenant plus gros. Et donc, tous les animaux qui vivent dans les hautes latitudes ont tendance, dans le même genre d'espèce, à être beaucoup plus massifs que les formes qui vivent dans les basses latitudes. Et puis, il y a quelque chose aussi autour de la forme, c'est-à-dire qu'à volume égal, encore une fois, le rapport entre surface et volume va varier en fonction de la forme. Donc, les formes longilignes sont des formes qui ont un rapport surface-volume plus grand et donc qui sont plus aptes à perdre de la chaleur. Au contraire, les formes plus arrondies, avec moins de choses qui dépassent, vont garder la température beaucoup plus. Et donc, on voit ça très très bien dans de nombreux groupes de mammifères. Donc, les bêtes qui vivent, je sais pas, pensez au fennec du Sahara et puis au renard polaire. Donc, le renard polaire, il a des petites oreilles, une petite queue, puis il est gros. Le fennec, il est tout petit, il a des grandes oreilles, voilà. Et donc, c'est vrai pour les renards, c'est vrai pour les... Ici, ce sont des lièvres, c'est vrai pour des tas de créatures, et c'est vrai pour les hommes, hein. Et donc, quand on regarde les proportions corporelles des hommes, vous voyez que le long de cette première coordonnée principale, dans cette analyse qui prend en compte tous ces paramètres, ben, en gros, on a des populations qui s'échelonnent entre l'Est africain et puis à droite, ben, les Norvégiens, les Anglais, les Français, les Bosniaques. Et donc, en gros, le long de cette ligne-là, ce qu'on a, c'est la latitude. Et si on plotte un Néandertalien là-dedans, eh bien, il tombe là, au-delà de tout ce qu'on connaît en Europe et proche de ce qu'on trouve chez des Inuits, chez des gens qui vivent dans les très très hautes latitudes. Alors, c'est très probablement une réponse à cet environnement. Quand on regarde mes nouveaux-nés, vous savez, Mesmaskaya et le moustier 2 que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, à la naissance, ils ont déjà un petit peu ce format néandertalien. Et donc, c'est pas juste l'environnement. On sait que l'environnement joue sur ces paramètres-là, mais là, encore une fois, on a l'impression que c'est quelque chose qui est programmé. Alors, on a aussi discuté beaucoup de la morphologie faciale des Néandertaliens en expliquant que c'était aussi quelque chose qui les préparait, qui les adaptait à des environnements froids. On sait en particulier que la morphologie nasale, la cavité nasale, c'est quelque chose qui varie chez l'homme actuel en fonction du climat. En gros, dans les climats froids, on a des cavités nasales étroites avec une grande turbulence de l'air froid qui rentre dans la cavité nasale et qui va se réchauffer au contact des muqueuses, qui va aussi s'humidifier. Et donc, on a étudié ça très très bien chez l'homme actuel. On sait que, en gros, dans les zones tropicales, les gens ont des cavités nasales larges. dans les zones froides, elles sont étroites. Alors, les Néandertaliens, c'était un petit peu paradoxal parce que ils ont une cavité nasale, en tout cas l'ouverture extérieure, elle est très très grande, elle est très très large, donc c'est pas tellement ce qu'on attend. À côté de ça, ils ont des sinus crâniens maxillaires qui sont très importants. Alors on a envisagé que c'était une espèce de d'isolation de la cavité nasale. En fait, en y regardant de plus près, à l'intérieur de la cavité nasale, on se rend compte que, en fait, il y a bien des structures qui rétrécissent la cavité nasale des Néandertaliens et ils correspondent bien au modèle qu'on attend dans un climat froid. Et pour ce qui est des sinus, eh bien, on a tendance aujourd'hui à penser que c'est simplement une espèce de remplissage. Les Anglais disent « spandrel », hein, vous savez, les tympans dans l'architecture gothique, c'est-à-dire un remplissage entre des arcades quand on ne sait pas quoi mettre, et plutôt que quelque chose qui est fonctionnel. Donc on a quand même probablement quelques adaptations à ce climat froid dans la morphologie néandertalienne. Voilà, j'ai été un petit peu long, je vous prie de m'excuser. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, on pourrait continuer encore très très longtemps. Alors, après avoir parlé de mon renne qui peut fournir 125 000 kilocalories, je voudrais vous dire que y a des gens qui ont étudié combien un corps humain pouvait fournir de kilocalories. C'est à peu près 80 000. Il y a des gens qui ont fait une thèse là-dessus. Et donc, on va parler avec mon ami et collègue Antonio Rosas, qui vient de Madrid, eh bien, d'un cas, d'un gisement où on a des signes assez manifestes de cannibalisme chez les Néandertaliens qui, en tout cas ceux-là, n'ont pas mangé que des rennes. Je vous remercie. Du Collège de France, vous venez d'écouter Jean-Jacques Hublin, Biologie des Néandertaliens, le 17 novembre 2015. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Il donne en ce moment sa troisième année de cours. Je vous recommande de consulter l'agenda du Collège de France. Sa leçon inaugurale sera publiée chez Fayard en février 2017 sous le titre « Paléanthropologie du genre homo ». Et avec Bernard Sêtre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité et à Boris Boutleroff. Lundi, nous retrouverons Jean-Jacques Hublin pour le dernier cours de cette série consacrée à Néandertal et Denisovien. Il nous parlera de cognition et technologie. Et dans quelques instants, nous rejoignons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.